donc un peu les filles. Allez, on va arriver ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue sur l'antenne de RIG 90.7 de la bande FM si vous l'écoutez sur Bordeaux et sur le rigfm.fr si vous l'écoutez via internet. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission Johnny de A à Z, la 510e émission. Et pour ce soir, je vous ai proposé un petit programme plutôt sympa, hein. On va parler de l'album Country Folk Rock qui est sorti le 28 juin 1972 et on va faire exclusivement une année 1972. On va écouter en gros tout l'album de Johnny Hallyday avec quelques versions live. Oui, d'accord, ça sera pas 1972 forcément, mais on va retrouver des passages radio de Johnny Hallyday et aussi des passages télévision de Johnny Hallyday et sans oublier les versions originales car il y a quelques adaptations sur cet album Country Folk Rock. Ce qu'on peut dire sur cet album, c'est que les séances se sont étalées de mars de l'année 71 jusqu'au 25 mai 1972. On grave les titres à Los Angeles, à Londres et à Paris. Parmi les musiciens, on rencontre du beau monde, le guitariste Don Preston, qu'on a vu chez Leon Russell, Joe Cocker et George Harrison. Le guitariste Jerry Donahue, remarqué aux côtés d'Elton John ou de Roy Orbison. Les choristes Madeleine Bell et Nanette Workman, qu'on a entendu en solo ou dans les chœurs, avec tous ceux dont le cœur bat pour la bonne soul music. Lee Hallyday est à la réalisation, Tommy Brown à la direction musicale, et on n'oubliera pas le fidèle Chris Kimsey, fidèle derrière ses manettes pour les titres enregistrés en Angleterre. Mais l'album est surtout marqué par l'entrée de Michel Mallory, le cowboy corse, comme dit Johnny, dans son staff. La rencontre se passe de façon étonnante. Mallory accomplit un exploit et parvient à paroler un morceau réputé imprenable, nommé Salvation. Et qui va devenir Sauvez-moi. Dans une interview donnée au magazine Note, Michel Mallory explique le coup d'envoi de ses fructueuses aventures avec le rocker. Johnny m'apparaissait alors comme quelqu'un d'intouchable. Un jour, Suzy Hallyday m'a fait passer une chanson sur disque souple, complètement usée, qui avait fait le tour de tous les auteurs sans que personne n'en vienne à bout. Or, il fallait le texte pour le lendemain. J'ai donc travaillé toute la nuit au casque pour ne pas réveiller ma fille et j'ai écrit « Sauvez-moi », une chanson extrêmement dure, différente des autres où le personnage central, un condamné à mort, est prêt à tout pour qu'on ne lui coupe pas la tête. Ça passait ou ça cassait. Et au matin, je quitte donc avec ma vieille R5 mon 18e arrondissement pour son 16e arrondissement, l'avenue du président Wilson, avec son adresse marquée sur un paquet de gitane. J'avais rendez-vous avec lui à 10h, mais je me préparais à attendre 2 ou 3 heures dans son salon. En fait, je suis entré dans une sorte de palais tout en marbre avec une porte en chêne et un miroir à chaque étage. J'ai aperçu alors ma tête que j'avais ce jour-là, pas rasée, avec un vieux sac, bref, pas brillant, hein, et convaincu que j'allais tomber sur le chargé de mission de chez Philips qui écouterait mon titre en 2 minutes. Enfin, je sonne, la porte s'ouvrit instantanément et devant moi, il y a Hallyday, en peignoir, pieds nus, avec une casquette d'officier d'aviation américain sur la tête et une bière à la main. Voilà les deux hommes qui s'installent dans la cuisine. Le rocker quitte une bouteille et demande enfin ce que je veux. Et je lui dis et je le vois déçu. Là, son attitude change un peu et il me lance « Bon, allez, allons-y tout de suite », dans le but de se débarrasser de moi. On sait la suite. Sauvez-moi, c'est du Johnny qui a toujours aimé les ambiances étouffantes, cinéphile américaine oblige. Et la chanson est mise de côté pour le futur album Country Folk Rock qui marquera l'entrée fracassante de Mallory dans l'univers Hallyday puisqu'il signera 4 des 12 titres de cet album-là. Ma main au feu, Hello USA, Joe, la ville et moi et Sauvez-moi. Mallory reprend sa narration. Le ciel m'est tombé sur la tête quand il m'a dit « Tu n'as pas d'autre chanson pour moi ?» Moi, navré, je lui explique que je suis plus country que rock'n'roll. Et lui, il dit « Ben, qu'est-ce que tu chantes bien ? Joue-moi quelque chose d'autre. » Alors je lui chante à la guitare, je ne mettrai pas ma main au feu. Et à la fin, il me dit « Tu me la donnes celle-là ? »

Antenne de RIG dans l'émission Johnny de AZ. C'était, il était en Italie sur la télévision Rai Uno. C'était le 23 avril 1972 au Teatro 10. Non, je ne sais même plus comment on dit 10 en italien. On revient à l'album de la semaine qui est Country Folk Rock et qui est sorti le 28 juin 1972. Et le prochain titre que je vous propose d'écouter, ça sera Joe Laville et moi, superbe et très originale composition de Michel Mallory et Marc Benoît. Johnny raconte une histoire, il chante, il parle, il nous entraîne dans l'univers de Macadam Cowboy, un grand moment, et il est aussi question d'une Marie. C'est une chanson que j'adore. J'adore chanter aussi celle-là aussi. Parler, non, je la chanterai pas ce soir. Non, non. J'avais un copain, il s'appelait Joe. C'était presque un frère pour moi. Ouais. On a grandi ensemble, il habitait la ferme juste à côté de la rivière. Un jour, on en a eu marre de voir toujours la même forêt. Alors on a décidé de partir pour voir ce qu'était une ville. Quand je dis une ville, je veux dire une vraie ville, en béton. Et ça fait bien longtemps. Ouais. Et maintenant, je voudrais revoir tout ce que j'ai quitté. Les champs, la rivière et ma forêt. Et Marie. Oui, Marie. Oh, qu'elle était belle. Ma jolie Marie. Ça fait si longtemps. Si longtemps. Mais voilà comment. Voilà comment l'histoire a commencé. Ouais.

Groupe Howl the Good, Ain't Hard to Stumble, autrement dit la reprise de Tomber c'est facile qu'on retrouvera au cours de cette émission. On revient John Hallyday en live, justement c'était à la radio, le 10 octobre 1972 ou le 5 janvier 1973, c'est une bonne question, il y a une petite différence entre les deux dates, là il y a une mauvaise entente sur ces deux dates. Johnny était l'invité de l'émission 5-6-7 sur Europe 1 et Mallory qui l'accompagne partout chante en duo avec lui Ma main au feu dans une autre version. Là maintenant, on m'entend. Bon, là maintenant j'ai besoin de Michel.

ne pourrai les suivre, ils devront me porter. Je n'ai plus de courage et plus de dignité. Je suis prêt à tout faire, à leur lécher les pieds. Et je vendrai ma mère pour pouvoir me sauver. Justice des hommes, j'y ai trompé. Il n'y a personne pour m'entendre crier. Sauvez-moi. Sauvez-moi. Oh, faites quelque chose. Faites quelque chose. Oh, faites quelque chose. Et faites quelque chose. Sauvez-moi. Sauvez-moi. Des autres cellules. Les hommes m'appellent. Oui, ils me disent adieu. En tapant sur leur cabelle. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Pas maintenant. Je ne suis pas prêt. Et puis j'ai pas encore tout dit. Je suis innocent. Je suis innocent, je le jure. Et tu vois le curé. Dis-leur que lui là-haut il ne veut pas. Qu'il les regarde. J'ai peur. J'ai peur. Je ne suis pas héros. Je ne suis rien du tout. Oh, laissez-moi la vie. Laissez-moi la vie, monsieur le président. Pitié pour ma grâce. Je ferai ce que vous voudrez. Mais sauvez-moi. Sauvez-moi. Sauvez-moi. Là j'ai peur. Je veux pas mourir. Sauvez-moi. Sauvez-moi. Oh. Laissez-moi la vie. Au premier de Paris, Porte de Panthère, 1979. À présent, nous allons arriver à la rubrique du duo impossible. On va rester dans le thème de cette émission, country, folk, rock, plutôt country music. Ça sera le duo impossible avec John Hayden et Elvis Presley sur le titre Loving Arms, qui n'est pas certes une chanson originale de Elvis Presley, mais une chanson originale de Tom Jones, Loving Arms. Et Elvis l'a repris en 1974 et John Hayden l'a également repris en 1974 sur son album Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Voici la version, le duo virtuel, John Hayden et Elvis, et on part sur la base musicale d'Elvis Presley. Si tu reviens un jour, marche sur les traces force de notre amour. Tu ne trouveras plus ton chemin. Si un jour ici tu reviens, if I could hold you now, just for a moment, if I could really make you mine, just for a while, turn back the hands of time. If you could hear me now, singing somewhere in the lonely night, dreaming of the arms that held me tight. If you could only hear now, j'ai pleuré sur ma guitare en chantant notre histoire. Sur les chagrins. Looking back and longing for the freedom of my chains, and lying in your loving arms again. Et je ne sais même pas où va ce train. On retrouvera un duo impossible lors de la prochaine émission Johnny de A à Z. On revient à l'album de la semaine qui est Country Folk Rock, sorti le 28 juin 1972. Et le titre que nous allons écouter, ce sera le titre Mon Amour à Marie, qui est la dernière composition du tandem Tommy Brown et Mickey Jones. Un country rythmé et toujours Marie en toile de fond. Le soleil se levait sur la rue sale et désertée, quand je jetais un dernier regard. J'envoyais ma lettre en marchant avec le vent, disant mon chagrin en répétant que toujours me revient son nom. J'avais tort, elle avait raison. Je reviens la prier, oui, de rester. Rapporte mon amour à Marie. Dis-lui que je reviens. Dis-lui bien que bientôt je serai là. Un amour me retient. Dis-lui tu m'aimes de pardonner un coup. Rien ne sera pareil. Je serai là quand le jour rencontre le soleil. Je croyais l'oublier. Qui donc oublie son passé? Il est là qui vous suit sans arrêt. Dans cette lettre sont mon cœur et mes regrets. Marie, c'est mon ombre à tout jamais. Et toujours me revient son nom. J'avais tort, elle avait raison. Je reviens la prier, oui, de rester. Rapporte mon amour à Marie. Je reviens, dis-lui bien que bientôt je serai là. Un amour me

sans arrêt, je lui dis, pas facile avec moi, Isée. Je ne t'ai rien promis, pas facile avec moi. Sois facile avec moi, Easy, un titre inédit jusqu'en 1993 hein, et qui montre la richesse des séances d'enregistrement de cette époque 1972. À présent, nous allons revenir à la rubrique de Antoine Decaune avec l'Odyssée de Johnny. L'Odyssée, Johnny Hallyday. L'Odyssée de Johnny voyage dans le temps, Je suis le commandant Decaune aux commandes du module spatio-temporel et cette fois je vous emmène en 72. Cette année-là, Johnny se lance un incroyable défi, partir en tournée avec son propre cirque. Eh oui, un vrai cirque avec chapiteau, caravane, camion et le tout-team. La troupe, recrutée pour l'occasion, comprend 114 personnes, une douzaine d'animaux, un manager et le groupe qui assure la première partie. Ces gens-là, c'est le groupe pop Belfortin Ange. L'idée du cirque, d'une communauté itinérante, est dans l'air du temps. Déjà à Paris, la boîte rock à la mode s'appelle le Rock'n'Roll Circus. Y a qu'à voir. Et les Rolling Stones ont tourné une émission de télévision, elle aussi baptisée le cirque du rock'n'roll. Dans le même esprit festif, aux États-Unis, Joe Cocker, Léon Russell et leur bande de saltimbanques hippies ont écumé le pays sous le nom de Mad Dogs and Englishmen, les chiens fous et les britons. Une aventure extraordinaire dont ont été tirés un double album et un film à succès. Dans la troupe de son circus à lui, Johnny engage une chanteuse américaine, Nanette Workman. Elle a déjà été choriste de Joe Cocker, de Paul McCartney et des Stones, par exemple sur Honky Tonk Woman. Depuis 1966, Nanette Workman jouit d'une bonne réputation au Québec où elle a enregistré de nombreux disques, dont une fameuse adaptation de Lady Marmalade, alias « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?» C'est le titre. Un carton plein au Québec, Christ de Tabernac, en 75. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Je suis Lady Marmalade. Et là, nous sommes en 1972 et Nanette fait partie du cirque Johnny. Je dirais même plus, elle est la petite amie de son guitariste Rolling Azoulay. Seulement voilà, Johnny est séduit par Nanette. Et oui, il trouve en elle à la fois une partenaire sentimentale et l'équivalent d'un vrai copain qui en tournée fait autant de bêtises et d'excès que les garçons. Chanter ensemble devient une évidence. Ils choisissent d'interpréter en français un morceau de Joe Cocker, Space Captain. Le duo entre Johnny et Nanette sort sous le seul nom de cette dernière sur un label au nom explicite, H. Les disques H appartiennent évidemment à Johnny. La chanson porte le titre « Apprendre à vivre ensemble ». Tout un programme qui ne sera pas appliqué parce que Sylvie Vartan y mettra le « holà », mais c'est une autre histoire. On s'aime autant que l'on peut s'aimer, mais on finit par se quitter. Parce qu'on détruit un peu chaque jour tout ce qui faisait notre amour. Il faudra pas consommer l'amour. Apprendre à vivre ensemble. Apprendre à vivre ensemble. Apprendre à vivre ensemble. Toi et moi. mon cœur paré. Pour réussir, pas mieux s'aimer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, salut maintenant. Allez, à la semaine prochaine, Antoine. À présent, nous revenons à l'album de la semaine, qui est Country Folk Rock. Et donc, cet opus est sorti le 28 juin 1972, à une période tourmentée de la vie professionnelle et affective de Johnny. Cependant, mieux qu'un tournant de carrière, il va marquer un vrai choix artistique qui sera suivi à long terme. Sa nouvelle complicité avec Michel Mallory n'est pas étrangère à ce changement ici ébauché. Ramené aux sources de la musique qu'il aime, l'intitulé de l'album est explicite, le chanteur va renoncer peu à peu à suivre les modes, cherchant plutôt à trouver un équilibre entre le rock et la variété, tout en imposant un style personnel. Voici un extrait, Comme si je devais mourir demain, version intégrale, ouais, de l'album. Aujourd'hui, je veux tout te dire, je ne peux plus vivre et mentir. J'ai vécu comme un animal. Combien de fois t'ai-je fait mal? J'ai voulu vivre à tout prix. Je n'ai rien fait de ma vie. Mais pour la première fois, je chante comme si je devais mourir demain. Aujourd'hui, oh, je n'en peux plus. Je mets mon front sur ton sein nu. J'ai failli te perdre sans foi. Je sais que tu vaux mieux que moi. Maintenant, es-tu compris? Je recommence ma vie. Et pour la première, je t'aime comme si je devais mourir demain.

peux-tu encore me pardonner? Parfois je pleure, ça rime à rien. Spéciale année 1972 et avec un album de la semaine Country Folk Rock sorti le 28 juin. Mais nous en sommes pas là. Nous sommes le samedi 18 mars 1972. Alors que Johnny donne un concert à Aix-les-Bains, la deuxième chaîne diffuse un top à Johnny sur une idée du couple Carpentier. En attendant la sortie prévue en juin du nouvel album, les téléspectateurs en découvrent en exclusivité quelques extraits. Rien ne vaut cette fille-là, Sauvez-moi et bien sûr les deux titres du 45 tours Comme si je devais mourir demain et Hello US USA. L'émission est en propice audio, Johnny interprète Apprendre à vivre ensemble avec Nanette Workman et rejoint Barbara, installée au piano pour une improvisation sur un titre inédit que la dame en noir vient tout juste de composer et de terminer, hein. Ombre et lumière qui deviendra Tout à mon ombre. Point de duo avec ses autres convives, Sylvie Vartan, Tommy Brown, Gérard Palabra, et un clin d'œil amical cependant à l'idole de son enfance, Georges Brassens, qui présente en entonnant un couplet du Gorille. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplent un puissant gorille sans souci des qu'en dira-t-on. Avec un pudeur ses commères, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Soleil, nous ne dormirons jamais ensemble. temps nous sommes pareils. Au matin tu te joues dans les arbres, tu caresses les collines. Sur les plages amoureux tu les ordres, tu t'approches, je décline. Danse dans ma lumière, oh ma si belle, tu m'ensorcelles à 100 000 étoiles, s'accroche à tes voiles, oh ma fleur de lune. On dit qu'ils se ressemblent, ça semble, toi mon ombre, oh mon soleil, tu es juillet et je suis décembre. Je suis un ciel d'azur sans nuages, un voilier blanc sur la mer. À chacun sa saison, je préfère être l'ombre de ta lumière. Oui. Pour toi les filles se déshabillent, oh mon superbe. Elle s'offre à moi les filles de semble. Tout le reste nous indique. Je te veux toujours dans mon sillage pour faire le tour de la terre. Oh oui. Oui, je te suivrai dans tes voyages, clandestines passagères. Sublime, comment vas-tu? Mon superbe, je vais très bien. Tu sais que je suis très heureux et très fier parce que j'ai réussi à te faire venir dans cette émission. Et c'est vraiment très très très difficile parce que tu en fais très très rarement, pour ainsi dire presque jamais. Oui. C'est vrai, non? C'est vrai, mais finalement tu n'as pas tellement de mérite parce que j'avais tellement envie de faire quelque chose avec toi que c'était très simple. Moi aussi. Enfin, voilà. On m'a dit que, enfin soyons honnêtes, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais commencé une ébauche de chanson pour moi. Je suis pas une chose lente comme ça. Mmh. Une chanson d'amour. On en a parlé d'ailleurs après ce duo et puis on a parlé d'une chanson sentimentale. On va en faire pleurer des jeunes filles avec ça. Mais le projet n'a pas vu le jour. On revient à l'album de la semaine qui est Country Folk Rock, sorti le 28 juin 1972. Et le prochain titre que je vous propose d'écouter, hein, c'est Vient le soleil, titre proposé par les musiciens présents aux enregistrements, dont Dom Preston, guitariste de Leon Russell. Il accentue le côté rock du projet avec un riff tonique. La vie en détresse se perd dans la nuit. Surtout ne crois pas qu'elle est finie. Dépense tes larmes, un jour tu riras. N'aie pas de peine pour ce que tu n'as pas. Il y a le soleil et la neige au fond. Si tu oublies même ce que tu savais bien, il n'y a que le vrai pour te faire du bien. Si t'es seul et triste, vois tes amis, ouvre leur ton cœur, tu seras compris. Il y a le soleil et la neige au fond. On a écouté un duo Michel Mallory et Johnny Hallyday sur l'album qu'avait sorti Michel Mallory en 2007. L'album s'intitulait Sentimenti, un album enregistré en langue corse. Et le titre que je vous propose d'écouter, c'est L'amour Soulou avec Johnny Hallyday. Scimida ci sono i zidelli soldati che giocano a farsi tomba e per un culo di bella un altro dio o un'idea. Ogni anno nasce una guerra, l'uomo sa più dell'uomo. L'amore solo, l'amore solo, lo fa cambiare un mondo, tutte barulle. Se pace a un emudomba l'amore solo a buffa tu occhi ti senti disgraziata, ti sei lasciata prigiona. Un coup de corps incadenato, hai paura d'amare. L'amore solo, l'amore solo, può far cambiare un mondo, tutte promesse, tutte promesse, dal puesa ruberà. La violenza rinascerà, se in pace uremo campa. L'amore solo può far cambiare cose, e chi domani ci si più umanità, è un diritto di campa, per uccidere chi venerà. L'amore solo a bofa. L'amore solo, l'amore solo, un cerchio l'amore solo. On revient à une version adaptée pour Johnny Hallyday, une version originale adaptée pour Johnny Hallyday et qui est également reprise dans l'album de la semaine Country Folk Rock. C'est le groupe Rosebud en 1971 qui fait composer la chanson Salvation. Et Michel Mallory, bien sûr, a réussi à trouver les paroles, du moins pour que cette chanson puisse vivre également sur cet album de Johnny. Voici tout de suite Rosebud Salvation, pour la première fois sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. He's sleeping in the hallway, sick with cold and wine. The doors are locked before him, his bridges burn behind. Like a singing bird in winter with a solitary song. Nobody there to hear him, nobody helps him along. But he wasn't bright before you fell. It's a long way down that crooked road to hell. Salvation. 50 hours from midnight, as the sparrow falls, the sound of someone weeping echoes through the halls. Poisoned by the failure to keep somebody near, his memory is laughter, his certainty is fear. But he wasn't bright before you fell. Somewhere in his pain, a ragged man with no coat on is shivering in the rain. And your mark is on his forehead, a serpent and a dove. God, won't you help me to know your face? Teach me how to love. Oh, buddy, was it bright before you fell? It's a long way down that crooked road to hell. Did somebody cry? Oh, did somebody cry? Ça fait tellement de temps que l'on navigue ensemble. Ça ne finira jamais. Johnny et les années 70. Avant d'attaquer la chanson, nous sommes à présent le samedi 9 décembre 1972 et afin d'affirmer clairement leur réconciliation, oui, l'épisode d'Annette Workman est passé, Sylvie reçoit Johnny dans les tops des Carpentiers qui lui est consacré. Il chante, lui, Tu peux partir si tu le veux et ensemble interprète l'inédit Cher Harry sur un thème de Jean-Jacques Debout que Chantal Goya reprendra plus tard sous le titre Allons danser avec Mickey. Un numéro chanté et dansé sur la libération de Paris où Sylvie, prenant des accents de mistinguette, fait découvrir la capitale à un Johnny affublé en GI, un plaisir de les retrouver aussi guillorés. Dites-moi ce que vous voulez voir ici, cher Harry. À Paris, voulez-vous visiter le Trocadéro? Oh non, non, non, non, non. Je vous emmène où vous voulez. Oh yes, yes, I love you. Voulez-vous que l'on aille à Saint-Cloud? Oh, je préfère si vous voulez. Oh yes, yes, I love you. Allez faire un petit tour chez vous. J'apporterai du chocolat, du chewing gum et du coca. Harry, oh non, voyons, c'est trop. Allons plutôt boire un petit café crème. Je préfère le chocolat chez vous tout là-haut sous les toits. Je vois. Sur le fourneau, on écouterait bien un petit refrain franco-américain. Dites-moi ce que vous préférez ici, cher Harry, à Paris. Ce que je préfère, c'est voir Paris d'en haut, mais dans votre studio. Vous voulez voir le défilé? Oh no, no, I love you. Mais vous n'êtes pas sérieux du tout. Non, non. Si on allait dans les musées. Oh no, no, I love you. On serait tellement mieux chez vous. J'apporterai du chocolat, du chewing gum et du coca. Oh, oh Harry, si je vous dis oui, c'est parce que vous savez parler aux femmes. Montrez-moi votre permission. Dire que c'est la libération. Sorry darling, mais c'est ici la fin de notre foi franco-américain. Album de la semaine, Country Folk Rock, sorti en juin 1972. L'avant-dernier titre qu'on va écouter de cet album, ce sera le titre Comme un lion en hiver, qui est la première composition du tandem Pierre Papadiamandis et Claude Moine, alias Eddie Mitchell, hein, et pour leur ami, évidemment. Complicité évidente, mots justes, production léchée, et Eddie cerne admirablement la personnalité du rocker, mettant en avant la fragilité de l'homme derrière l'image du lion triomphant pour conclure cet album. Thank you. moments de gloire et d'amitié. Je n'ai jamais douté de moi. Je connais les en novembre 1972 et Johnny entre déjà en studio pour préparer son prochain album Insolitude. Donc à l'Olympic Sound de Londres avec les cuivres des Stones, Bobby Keys, John Horn et Jim Price et aux guitares Jean-Pierre Rolling Azoulay, Peter Frampton, Jerry Donahue et B.G. Cole. Chris Kimsey dirige les opérations et Michel Manoury qui compose la quasi-totalité des chansons et du voyage. Les deux amis logent au Royal Garden Hotel. Voici Johnny Hallyday lors d'une petite interview lors de ses sessions. The second verse? Yes. N'importe quoi, j'essaie de faire quelque chose que moi j'aime. Moi j'aime le blues, j'aime le rock and roll, j'aime la musique qui swing. Et pour moi ça n'a pas de style. Quand on dit pop, moi je n'ai jamais su ce que voulait dire la pop musique. Mais cette pause dans votre carrière, est-ce qu'elle ne correspond pas à une espèce aussi d'entracte dans votre vie tout court? Vous savez, de chanter sur scène tous les jours, c'est assez fatigant, puis de temps en temps, il faut le savoir se reposer. Moi, malheureusement, quand je reste à la maison, quand je vais à la campagne,

Johnny Hallyday qui joue son propre rôle dans ce téléfilm qui s'appelle Pour une pomme, qui a été diffusé à la télévision le 26 février 1972. Et c'était un téléfilm qui était réalisé par Claude Barrois et Jean-Marie Perrier. Et on entendait en deuxième voix, c'était Gilbert Montagnier qui jouait donc un musicien, aveugle bien sûr, évidemment, il le voit pas. Hein, bien sûr. Voici, allez, on va écouter un autre extrait de l'album de la semaine, du moins un titre inédit sorti des archives en 1993 qui s'intitule Un parmi les autres, un des trois titres révélés au public lors de la sortie des guitares en 1993, une belle ballade signée Michel Mallory. Johnny et les années 70. Et par ici. Cette chanson, ô Seigneur, le temps est long. Il me disait, les yeux en larmes, je vais, tu viens le jour. En lui brûlait son âme. Ce chemin sans retour, un parmi tous les autres, son simple de lumière, parmi tous les autres, on ne peut rien faire, parmi tous les autres, tout seul et sans nom. Ce monde en détresse, ton regard est plein de tristesse. Tu vis toujours caché, et qui donc va pouvoir t'aider? Un parmi tous les autres sans t'échapper. C'est un passe, perdant le temps qui passe. J'espère trouver ma route. Pourtant, en moi je doute. Un parmi tous les autres, sans amitié. Oh, dernier extrait de l'album de la semaine, Country Folk Rock, sorti le 28 juin 1972. On a écouté tout à l'heure la version originale par Hold the Good avec In Hard to Stumble de 1972. Voici Tomber c'est facile que Johnny aura repris pendant le Johnny Circus et aussi lors de sa dernière tournée solo, le Resté Vivant Tour. Prends-tu jamais le temps en chemin de penser que tu vas trop loin? Arrête-toi et regarde un peu, tu verras combien sont malheureux. Ça t'est bien égal, tu ne fais que ce que tu veux. Et comment peux-tu vivre avec tout ça? Tomber, c'est facile. Lorsqu'on fait qu'on vous tend les bras, et toi on sait que tu n'en manques pas. Et tomber c'est facile, lorsqu'on sait qu'on vous tend les bras. Et toi rien ne te fait peur, mais on apprend par ses erreurs. Pour combien tu perds la mémoire et tout va très bien. L'amour comme un refrain te prend, ne crois pas tout ce que tu entends, car ton rêve disparaîtra juste devant toi. Et comment peux-tu vivre avec tout ça? Oui, tombe, c'est facile, parce qu'on sait qu'on bout dans les bras. Lorsqu'on sait qu'on vous tend les bras, ouais. Toi tu veux dessus, tu te traînes dans la boue. Tu ne vis que pour la chair et c'est dur. Et si quelqu'un peut te garder, toi tu ne fais que passer. L'abandonnant tout comme un chien est sûr de toi. Et comment peux-tu vivre avec tout ça? Oh, non, c'est facile, lorsqu'on sait qu'on vous tend les bras. Et comment peux-tu vivre avec tout ça? Oh, non, c'est facile, lorsqu'on sait qu'on vous tend les bras. D'écouter le remix de cet album là quand on l'aura enfin en livre disque, ce sera peut-être pour l'année prochaine. Ouais. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Le medley rock, on va écouter cet extrait donc du film documentaire J'ai tout donné, de un film reportage de François Reichenbach. Il a été présenté le 18 mai hors compétition lors du 25e Festival de Cannes. Et on retrouve un portrait de Johnny Hallyday magnifique, Laura Kohler, idéal pour les fans. Et ce film est sorti en salle le 24 juin 1972. En 1956, moi je l'ai vu. Il est arrivé avec une grande guitare. Il était peigné comme ça. Jenny, Jenny, you know that you're my girl. You know that I love you, I'll buy you diamond rings and bells. Vous savez que ce soir je vous dis adieu. Je voulais vous dire que c'est la troisième fois que nous avons fait le Palais des Sports. Ça fait troisième fois que vous êtes à la hauteur. Et ça fait la troisième fois que je suis content de vous. François aussi. Il y a une chose que je veux que vous sachiez. Il y a des gens qui n'aiment pas ce genre de musique. Il y a des gens qui disent que de faire ça, c'est obscène. Il y a des gens qui disent que ça fait beaucoup de bruit pour rien. Mais il y a nous. Nous, nous sommes là. Et vous, vous êtes là. Et si moi, aujourd'hui, je suis sur cette scène, et si je m'appelle Johnny Hallyday, c'est grâce à vous et à cause de vous. Deux Anglaises en groupe vocal, Madeleine Bell, Juanita Franklin. Nanette Workman. Et Doris Town. L'orchestre à la guitare soliste Rolling. En guitare rythmique et soliste, Jerry. À la basse, Pat. À l'orgue, Barney. Au cuivre, Guy, Jacques, Pierre. Et René, notre saxophoniste. L'orchestre est dirigé à la batterie par mon ami et chef d'orchestre Tommy Brown. Il est venu avec moi, avec eux, avec elle ici, avec François, avec tout le monde, pour vous. Dans le métier, on dit, il y a un terme, on dit pour prendre son pied. Et je crois que certains soirs, on l'a pris pas mal. Merci d'être venu à Michel Polnareff. clôture cette émission Johnny de A à Z spécial année 1972 et aussi spécial album de la semaine Country Folk Rock. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé, d'avoir écouté cette émission. Merci encore pour votre présence chaque semaine et on se retrouve promis mercredi prochain à partir de 22h ici sur l'antenne de RIG. À bientôt à toutes et à tous. Ciao, ciao.